إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours 24 dans l'explication de la Aqidah des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a, rahimahumullah, deux imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, les imams des Salaf. Et comme vous avez pu constater, je pense que à partir de maintenant, vous êtes capable de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par la aqida des imams des salafs. Parce que jusqu'à maintenant, alhamdulillah, on a eu l'occasion de faire plusieurs des livres au sujet de la aqida des imams des salafs. Et juste pour vous donner un exemple des cours qu'on a fait sur la aqida des imams des salafs, on a fait le sharh de As-Sunnah, sharh As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari avec le sheikh, le sharh le Cheikh Saleh Al-Fawzan. On a fait la aqida de l'imam Ibn Abi Daoud Al-Sijistani dans Sharh Al-Ha'iyya avec le Sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan. On a fait le Sharh de Usul Sunnah de l'imam Al-Humaydi. On a fait Usul Sunnah de l'imam Ahmad et on l'a fait avec le Sharh de on a fait avec le Sharh de Cheikh, en fait c'était un mélange de différentes paroles des ulama on a pris pour faire ce charh. Inch'Allah on va le refaire encore une fois, celui de l'imam Ahmad. On a fait la aqida des deux Razi, on a fait la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, on a fait عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني ينافى العقيدة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. نعم. Donc ça c'est quelques-uns des livres de l'عقيدة des imams des salaf qu'on a fait et on va en faire d'autres aussi, mais c'est pour dire que celui qui voit un peu comment qu'est-ce qu'on a expliqué dans les livres de ces grands imams qui ont clarifié leur aqidah et qui ont mentionné les fondements du manhaj des salafs dans ces livres, eh bien ils comprennent que tous les imams des salafs avaient tous la même aqidah, ils avaient tous le même manhaj, ils étaient tous sur les mêmes fondements parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Donc c'était très très important pour que il est très important que les musulmans s'accrochent à ces fondements-là et que les musulmans étudient ces livres-là qui contiennent la aqida des salafs. Une des grandes raisons qui fait que certains parmi les hizbiyin ont réussi à égarer beaucoup de gens, c'est parce qu'ils les éloignent, ils les ont éloignés de l'étude et de la lecture de ces livres-là. Et beaucoup de musulmans, parmi les musulmans du commun, le commun des musulmans qui justement prend sa religion d'un peu n'importe qui parfois, eh bien s'ils n'ont pas eu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de connaître des shuyukh ou des ulama, des imams qui étaient sur le manhaj des salafs, eh bien le résultat c'est ça, c'est qu'ils ne connaissent pas la aqida salafia, ils ne connaissent pas le manhaj des imams des salafs. Et c'est important, donc, comme j'ai expliqué, pour que les gens puissent connaître c'était quoi le manhaj des salafs, c'était quoi leur aqida, c'est fondamental d'étudier ces livres, hein, d'étudier ces livres et de voir c'était quoi leur croyance, c'était quoi leur manhaj, c'était quoi leur voie, leur méthodologie, leur façon de comprendre les textes au salaf. Donc tout ça c'est fondamental. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui négligent l'apprentissage de ça et qui donnent peu d'importance à ça. Et c'est le résultat de qu'est-ce qu'on trouve maintenant chez les gens, toutes sortes de mélanges, toutes sortes de confusions. Hein. Et là, en ce moment, on voit que les Hizbiyyins, par exemple, en France, ils s'organisent et se préparent pour essayer d'égarer de plus en plus les gens. Et on a vu des gens qui, on croyait que c'était des gens qui étaient sur le manhaj salafi, on croyait que c'était des gens qui avaient compris la méthodologie des salafs. Et puis on commence à réaliser en fait que ce sont des gens qui n'ont compris, qui n'ont rien compris des fondements de cette méthodologie. Ils ont pris ou ils ont adopté seulement certains éléments extérieur, de l'apparence, de la sunna. Mais en ce qui concerne les fondements et le manhaj de nos salafs, eh bien, ils n'ont rien compris de ça. Ils n'ont rien adopté non plus de ça dans leur personne, dans leur aqidah, dans leur manhaj. Et donc, c'est pour ça que tu les vois maintenant, ils vont écouter et suivre des individus qui sont très très éloignés du manhaj des salafs et de leur aqida et de leur méthodologie. Hein? Tous ceux qui retournent à des prêcheurs égarés et ignorants comme Rachid Abu Hudayfa ou bien Hatim Abu Abdullah ou bien Nadir Abu Anas Patel, l'autre nom qui s'appelle Patel, Mohamed Patel, Eric Younes, tu vois ce petit groupe de Ikhwan, en fait c'est des gens qui ont le même manhaj que le manhaj des Ikhwan et puis qui essaient de se donner une apparence de la sunna, l'apparence salafia à l'extérieur. Tu les vois avec la barbe, tu les vois avec le qamis, ils essaient de se donner l'apparence comme s'ils étaient des salafis, mais en réalité ils n'ont rien ils n'ont rien gardé du manhaj des salafs. Et là, ils organisent des conférences, tu les vois, et ces conférences et ces séminaires qu'ils organisent, c'est exactement la même méthode et le même style que celui des Hizbiyyin et des Ikhwan clairs et purs. Et le but de ça, c'est uniquement pour attirer la majorité de le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, c'est la méthode des Ikhwan. On va pas donner trop de place au manhaj et à la aqida parce que si on parle trop de manhaj et de la aqida, les gens vont pas venir. Ils vont pas venir assister et on va pas faire d'argent. Des fois, il y a aussi un facteur économique là-dedans. Tandis que si on invite le plus de monde, et puis il y a toujours en général un prix d'entrée pour rentrer dans leur truc, donc ils font de l'argent, ils font du profit avec ça. Bon, est-ce que le but c'est de ramener les gens à la religion d'Allah, au manhaj des prophètes, à la compréhension du tawhid et de la aqida et de la sunna, et de mettre en garde contre la bid'a et tout ce qui contredit la méthodologie des salafs? Ça c'est fondamental. Si c'est pas ça leur intérêt et leur intention, ils peuvent appeler leur travail comme ils veulent, mais ça n'a rien à voir avec la da'wah. Ça n'a rien à voir avec la da'wah. Donc qu'ils soient avertis, les gens qui veulent suivre ces gens-là, qu'ils soient avertis que s'ils continuent à suivre ces individus, hein, parce qu'ils aiment leur apparence, ou bien parce qu'ils aiment leur style ou leur vidéo, hein, ils ont développé des techniques, hein, pour faire des vidéos en HD, tu vois, la bonne qualité, puis la mise en scène, c'est comme devenu comme des acteurs maintenant. Ces du'ats sont devenus des spécialistes dans le fait de prendre un rôle, puis de parler devant la caméra, puis de regarder la caméra comme si pour faire croire aux gens qu'ils sont sincères. Ils vont même prendre un certain regard. Donc tout ça, c'est connu des méthodes des juifs et des chrétiens en premier. C'est connu aussi de la méthode des ikhwan et des kuffar. Les juifs et les chrétiens, ils font ça depuis longtemps. Surtout les pasteurs, les télé-évangélistes aux États-Unis, ça c'est connu depuis longtemps. Puis les ikhwan, ils ont imité ça. Et ils ont suivi cette méthode, que ce soit Mohamed Hassan et Mohamed Hussein Yaqub et tous ces autres prêcheurs, Mohamed Al-Arifi, tous ceux qui sont sur cette tendance de Hizbiya. Eh bien, en France, il y a cette tendance-là aussi. Ils veulent suivre leur chef, leur maître Hizbi dans les pays musulmans, et puis ils veulent égarer la jeunesse musulmane en Europe et ailleurs. Donc c'est important de s'accrocher fermement à la sunna, peu importe qu'est-ce qui peut venir essayer de les tenter, de les égarer. Ayant dit ça, on va continuer, Inch'Allah, dans la clarification et l'explication et la lecture de la aqida des deux Razi, avec l'explication du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. Et c'est un charh très bénéfique, hein, qui clarifie plusieurs éléments de la aqida des salaf et de leur méthodologie. Le point qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est un point très important. Après, les deux imams, ils vont parler des différentes sectes qui ont dévié de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. On a déjà parlé de différentes sectes depuis le début de ce livre, mais là il va les nommer une après l'autre et puis il va les énumérer, et le Cheikh Rabi va faire des petits commentaires pour chacun de ces groupes-là. Le premier, c'est les Murji'a, après Al-Qadariya, après Al-Jahmiya, après Al-Rafida et après Al-Khawarij. Donc c'est cinq parmi les sectes parmi celles qui ont été, disons, parmi les têtes des sectes de l'égarement, les sectes les plus importantes, si on veut, dans l'égarement, dans la aqida. Puis, bien entendu, on va expliquer ça dans les cours qui vont venir. On est presque à la fin de notre livre. Et donc, il reste encore quelques cours à faire. Donc, on commence maintenant avec le point numéro 23. Il dit « وَقَالَا وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ومن قال مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. Donc les deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ils disent tous les deux, les gens sont croyants dans leurs règles, c'est-à-dire les règles de l'islam, et dans leur héritage, et on ne sait pas, c'est-à-dire les règles de l'héritage, et on ne sait pas ce qu'ils auront auprès d'Allah. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils seront auprès d'Allah. Après, il dit, donc celui qui dit, je suis un vrai croyant, un vrai mu'min, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Celui qui dit, je suis un mu'min auprès d'Allah, il fait partie des menteurs. Et celui qui dit, je suis un mu'min, je suis un vrai mu'min en Allah, c'est-à-dire je suis un vrai croyant en Allah, alors il a raison. C'est lui qui a raison. Qu'est-ce que ça signifie cette parole? Et à quoi ça a rapport avec quoi? On va lire donc l'explication de Cheikh Rabir qui va nous clarifier ça. C'est un point qui a rapport avec la compréhension de la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc le Cheikh il explique, Cheikh Rabir il dit: وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit, لأنك أنت ما تقطع لنفسك بما عند الله عز وجل فيحكم على الناس بالظاهر بالظواهر مثل الصلاة والصيام. إذا مات يورث وإذا مات قريبه يرثه ويأخذ نصيبه من الميراث ويزوج ويتزوج لأن ظاهره الإسلام. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il dit, les hommes sont ou les gens sont croyants dans leurs règles, c'est-à-dire les règles de l'islam, le mariage, le divorce, toutes les autres règles de la religion, et dans l'héritage également. Et on ne sait pas ce qu'ils sont auprès d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh dit, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire avec certitude qu'est-ce que tu vas être auprès d'Allah. Tu ne peux pas savoir avec certitude qu'est-ce que va être l'état de la personne auprès d'Allah. Parce que la foi, c'est dans le cœur, à la base. Et la réalité de l'Iman, ça commence dans le cœur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-taqwa hahuna, al-taqwa hahuna, la piété c'est ici, et il a pointé vers le cœur. Donc al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadri wal iman bil qadri khayrihi wa sharrihi, ça c'est également, c'est quelque chose qui est à la base dans le cœur, la foi en les piliers de la foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Tu y crois dans ton cœur. Si tu y crois pas vraiment, puis que tu le dis avec la langue, dans ce cas-là, tu es un munafiq. Même si tu l'appliques, même si tu fais la salat, tu fais le jeûne, tu fais le hajj, tu pratiques les éléments, les règles, les principes de la religion, mais que tu y crois pas dans ton cœur, ça veut dire que tu es un munafiq, tu es un hypocrite dans ce cas-là. Mais nous, on sait pas la réalité de ce qui est dans le cœur des hommes. Tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut savoir, c'est ce qui est apparent. On peut uniquement juger les hommes par qu'est-ce qui est apparent, par la salat, par le jeûne. Et si quelqu'un, en apparence, on le voit, il fait la salat, il fait le jeûne, s'il meurt, il va, il va hériter. Il va laisser, on va hériter de lui. Et si un de ses proches meurt, eh bien, il va hériter de son proche. Et il va prendre sa part de l'héritage. Il va également pouvoir marier sa fille, ou marier ceux qui sont sous sa charge, à d'autres personnes. Et il pourra lui aussi également se marier avec des femmes musulmanes. Pourquoi? Parce qu'en apparence, sa voix, c'est l'islam. En apparence, il est musulman, il est musulman. Et nous, on juge les musulmans uniquement par qu'est-ce qui est apparent. Le cœur, qu'est-ce qui est dedans? ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Est-ce que c'est un mu'min ou bien est-ce que c'est un munafiq? On ne sait pas. Hein? C'est Allah qui va juger au jour de la résurrection. Mais nous on se base sur qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est apparent. Et si on voit que la personne, elle montre qu'elle est musulmane, qu'elle applique l'islam, dans ce cas-là on juge par rapport à qu'est-ce qui est apparent et on le traite comme ce qu'il nous montre. C'est-à-dire, s'il nous montre l'islam, il est musulman. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il agissait avec les gens. Hein? Même parfois, il connaissait l'état des munafiqins, il savait que c'était des hypocrites, mais il ne les jugeait pas selon sa connaissance que Allah lui a donnée de l'invisible à leur sujet. Il les jugeait par rapport à ce qu'ils montraient seulement. Hein? Il les jugeait uniquement par rapport à ce qu'ils laissaient montrer de leur islam. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, hein, Allah lui avait révélé l'identité de ces hypocrites-là et il savait que c'était des munafiqins, mais il les jugeait uniquement par rapport à l'extérieur et l'apparence et non pas par sa connaissance de l'invisible que Allah lui avait donné à leur sujet. D'accord? Et il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, je n'ai pas été ordonné, hein, d'ouvrir les cœurs des gens, ni d'ouvrir leur ventre, leur intérieur, pour savoir qu'est-ce qui est dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, yani, on n'est pas là pour regarder les gens dans le sens qu'est-ce qu'ils ont en dedans d'eux-mêmes, est-ce qu'ils sont sincères ou non, est-ce qu'ils sont, yani, mukhlisin, mu'minin ou non. Mais on est là pour voir qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font par rapport à leurs paroles et leurs actes extérieurs. Et on se base là-dessus et ça s'arrête là. Le reste, qu'est-ce qui est dans l'intention, qu'est-ce qui est dans le cœur, qu'est-ce qui est dans la sincérité, ça c'est Allah qui va le juger. Hein? C'est Allah qui sait, parce que c'est lui qui voit l'intérieur. Il dit, « Laka al-zahir, wa lihada kana al-sahaba » يتعاملون مع المنافقين وهم يعرفون كثيرا منهم أنهم منافقون ولكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي وقد يخرج في الجهاد وقد يخرج في الحج وأنت تعرفه أو تتوسم أنه منافق ولا بد أن تعامله معاملة المسلمين في أمور الدنيا من النكاح والميراث وما شاكل ذلك ولا ندري ما هم عند الله كل الناس على الظاهر لكن الحقيقة يعلمها الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, toi tu dois juger par l'apparence, et c'est pour ça que les sahaba ils interagissaient avec les munafiqins, ils avaient des interactions avec les munafiqins, alors qu'ils savaient que, ils connaissaient plusieurs d'entre eux comme étant des hypocrites, et ils savaient que c'était des munafiqins. Mais, du moment qu'il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'il fait la salat, hein, même des fois ils sortaient avec les musulmans faire le djihad aussi, et même ils sortaient faire le hajj, hein, ou des choses comme ça. Donc il fait des actes d'adoration, des actes d'obéissance, il pratique l'islam, mais c'est un munafiq. Hein? Et toi tu sais, hein? Tu sais que c'est un munafiq. Eux ils savaient à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à certains sahaba, eux c'est des munafiqin, en particulier Hudhayfa ibn al-Yaman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dévoilé le secret des noms des munafiqins et la liste des noms des munafiqins. Hein? Donc, le cheikh il dit, il faut que tu agisses avec lui selon le comportement que tu adoptes envers tous les musulmans dans les affaires de la dunya, et dans le mariage, et dans l'héritage, et toutes ces choses-là. Hein? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont auprès d'Allah. Et tous les gens sont, hein, juger selon qu'est-ce qu'ils montrent et selon ce qui est apparent. Mais la réalité de qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et de qu'est-ce qu'ils sont, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Le cheikh il dit ensuite, il explique la suite de la parole des deux imams. فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Celui qui dit « Je suis réellement ou je suis un vrai croyant », c'est un innovateur. Il dit, le cheikh, « هَذَا رَدٌ عَلَى الْمُرْجِئَةِ. هَذَا رَدٌ عَلَى الْمُرْجِئَةِ. يَقُولُونَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا. وَإِيمَانُ الْفَاسِقِ مِثْلُ إِيمَانِ جِبْرِيلِ. لأن الإيمان عندهم التصديق فقط. وإذا وجد التصديق فهو مؤمن. فهو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه مثل إيمان جبريل وهو إيمان حقا عند الله في زعمهم. ومن هنا يحرمون الاستثناء. إذا قلت أنا مؤمن قال لك أسألك يعني أمتحنك أنت مؤمن؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما تقول نعم وتسكت، لا، تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان تصديق، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأنت قطعا ما تستوفيها كلها. فإذا قلت أنا مؤمن وسكت معناه أنك شهدت لنفسك بالإيمان الكامل، وأنت لم تستوفي الإيمان كله وأعماله كله. فعند أهل السنة أنك تستثني، ومنهم من يوجب ذلك، ومنهم من يرى أنه من السنة، ومنهم من يرى أنه جائز. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، لا تقطع. تقول أنا مؤمن حقا، هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان فيه أعمال، وأنت قطعا لم تستوفي ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit pourquoi les deux imams ils disent celui qui dit qu'il est un vrai croyant c'est un mubtadi. Pourquoi? Il dit ça c'est pour réfuter les murji'ah. Les murji'ah sont ceux qui disent je suis un vrai croyant. Pourquoi? Parce que pour eux, la foi du pervers et du pécheur est égale à la foi de Djibril. Pour eux, la foi c'est seulement de croire avec le cœur, seulement. Et si tu as cru avec le cœur, eh bien t'as la foi complète et parfaite. Et t'as la foi égale à celle de Djibril ou celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour eux, c'est la foi du cœur qui compte, la croyance du cœur. Les actions, les paroles, ça ne fait pas partie de la foi. C'est seulement le cœur qui compte pour eux. Hein? Donc pour eux, la foi de tout le monde est égale. Hein? La foi de tout le monde est égale selon ce qu'ils prétendent. Et donc c'est pour ça qu'ils disent « Je suis un vrai croyant auprès d'Allah ou pour Allah hein? » selon ce qu'ils prétendent. Et c'est pour ça qu'ils interdisent de dire « Inch'Allah ». Par exemple, si tu dis il te demande est-ce que tu es croyant, il veut te tester, est-ce que tu es croyant, tu dis je suis croyant inshallah, je suis croyant si Allah le veut. Tu vas pas dire oui je suis croyant puis après tu te tais, mais tu vas dire oui puis tu te tais. Non, tu dis je suis croyant inshallah, si Dieu veut, si Allah le veut. Pourquoi? Parce que yani, la foi, c'est de croire avec le cœur, et c'est également les actions du cœur, et c'est aussi les actions du corps. Hein? Et toi, c'est certain, chose certaine, tu n'as pas fait toutes les œuvres. Tu n'as pas fait toutes les actions du cœur, tu n'as pas fait toutes les actions du corps. Donc, si tu dis, je suis croyant, et que tu te tais, tu arrêtes, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as témoigné pour toi-même, d'avoir la foi complète. Et c'est clair que ta foi, tu ne l'as pas complétée. Parce qu'il y a plein d'actions que tu n'as pas faites. Tu n'as pas fait tous les actes de la foi. Tu n'as pas complété toute ta foi au complet. Hein? Donc, hein, auprès d'Allah, tu ne peux pas prétendre que tu es un croyant juste comme complet comme ça. Il faut que tu dises, Inch'Allah. Et selon Ahl Sunnah wal Jama'ah, tu dis Donc, Inch'Allah, quand tu mentionnes que tu as la foi, selon la croyance de Ahl Sunnah, tu dis, je suis croyant, Inch'Allah. Parmi les gens de la Sunnah, il y en a qui disent que ça c'est obligatoire de dire Inch'Allah. Parmi les gens de la Sunnah, il y en a qui disent que c'est Sunnah de dire Inch'Allah. C'est pas obligatoire, mais c'est Sunnah, c'est-à-dire c'est recommandé. Et il y en a d'autres qui disent, c'est pas obligatoire, c'est pas recommandé, mais c'est permis de le dire. Hein, c'est permis de le dire. Tandis que les Murji'ah, pour eux, c'est interdit de dire Inch'Allah. Parce que pour eux, ça veut dire que tu as un doute. Hein, ils vont dire, ah, ça veut dire que tu as un doute dans la foi. Hein, Allah musta'an. Non, après, il dit, wa taqul, ana mu'minun Inch'Allah. Donc tu dis, je suis croyant, Inch'Allah. Ou bien, je suis croyant, j'espère être un croyant. Tu dis, j'espère être un croyant, un vrai. J'espère être un vrai croyant. Mais tu dis pas avec certitude, déterminé comme ça, je suis croyant. Parce que ta foi, tu l'as pas complétée. Tu l'as pas, elle est pas parfaite. Tu dis, tu peux pas dire, je suis un croyant, un vrai croyant. Parce que ça, c'est de mentir à propos d'Allah. Hein? Parce que la foi, la foi, il y a des actions dedans. Et toi, c'est certain que tu n'as pas fait toutes les actions. Après, le cheikh, il dit, un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma inni dhanamtu nafsi, ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا الدعاء يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه لأبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ok, donc le cheikh il dit فَإِذَا قُلْتَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا مَعْنَاهُ مَا عَنْدَكَ ذَنْبٌ كَأَنَّكَ مَعْصُومٌ وَنَحْنُ مُذْنِبُونَ وَمَا أَكْثَرَ أَخْطَاؤُنَا وَمَا أَكْثَرَ ذُنُوبُنَا وَلِهَذَا تَقُولُ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُؤْمِنٌ أَرْجُو وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ وَهَذَا مَقْصُودُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné un dua, et il a enseigné cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait cette invocation là lui-même, et il l'a aussi enseigné à Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Il disait, oh Allah, j'ai certes fait beaucoup d'injustices à mon âme, et personne ne pardonne les péchés excepté toi. Alors pardonne-moi d'un pardon de ta part et fais-moi miséricorde, car tu es certes le pardonneur, le miséricordieux. Donc ça c'est pour montrer que le cheikh il dit, si tu dis je suis un vrai croyant, ça veut dire que tu n'as pas de péché, que tu es, c'est comme si tu disais que tu es infaillible. Alors que nous avons tous des péchés. Et comme nos péchés sont nombreux, comme on a beaucoup de péchés, donc on a énormément de péchés. Et c'est pour ça que lorsque tu dis je suis un croyant, Inch'Allah, ou bien je suis un croyant, j'espère être un croyant, c'est ça que, qui est correct. Et c'est ça que l'auteur, les deux auteurs ont voulu dire, rahimahumullah, en disant que celui qui dit qu'il est un vrai croyant, c'est un innovateur. Il dit ensuite la parole des deux imams quand ils disent, et celui qui dit je suis un croyant auprès d'Allah, il est parmi les menteurs. وَمَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ يعني صدق رحمهم الله لأنه إذا جزم قال أنا مؤمن يعني ادعى لنفسه الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. Donc le cheikh dit صدق رحمهم الله لأنه إذا جزم وقال أنا مؤمن يعني ادعى لنفسه الإيمان الكامل. إذا قال أنا مؤمن عند الله معناه أن إيمانه كامل لم يخدشه أي نقص وهذا كذاب والعياذ بالله. Le Cheikh il dit, celui qui dit donc je suis un croyant pour Allah ou auprès d'Allah, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis un croyant, il dit il est un des menteurs. Pourquoi? Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit ils ont dit vrai, c'est-à-dire l'imam Abu Hatim et Abu Zur'a, ils ont dit vrai, puisque si la personne elle dit avec certitude, elle affirme, elle dit je suis un croyant, ça veut dire qu'elle prétend pour elle-même avoir la foi complète. Et il dit, si il dit je suis un croyant auprès d'Allah ou pour Allah, ça veut dire que sa foi elle est complète, parfaite, et qu'il n'y a aucune défaillance ou aucun manquement ou aucune faiblesse dans sa foi. Et ça, c'est quelqu'un qui ment. Celui qui dit ça, wal'iyadhu billah, il ment. Hein? Après, il dit وَمَنْ قَالَ هُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ حَقًّا فَهُوَ مُصِيبٌ. Il dit par contre, celui qui dit je suis un croyant, je suis un vrai croyant en Allah, alors lui, il a raison. Il a raison, il a dit correct. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi la différence entre le fait de dire je suis un vrai croyant, puis le fait de dire je suis un vrai croyant en Allah? Hein? Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Hein? Le premier, quand il dit je suis un vrai croyant, il a dit c'est un mubtadi'. L'autre, il a dit je suis un vrai croyant en Allah, il a dit alors il a raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Cheikh Rabi, il dit إذا قلت أنا مؤمن بالله فهنا يصح لأن المسلم الصادق يعلم أنه مؤمن بالله وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه لكن لا تقول أنا مؤمن وتسكت وإذا سألك سائل هل أنت مؤمن تقول إن شاء الله أنا مؤمن بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أما تقول مؤمن وتسكت فلا لأنه لا بد من الاستثناء عند أهل السنة والجماعة لأن المسلم الصادق لا يجزم بأنه استكمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح والإيمان 70 شعبة لا يجزم المسلم الصادق أنه استوفاها. Donc le cheikh il explique pourquoi c'est correct de dire je suis un vrai croyant en Allah. Il dit parce que lorsque tu dis je suis un croyant en Allah, eh bien ici c'est correct de dire ça parce que le vrai croyant il sait qu'il croit en Allah. Même si il ne confirme pas ou ne dit pas avec certitude que sa foi est complète. C'est-à-dire que tu sais que ta foi, elle est pas complète et parfaite, mais tu sais que tu crois en Allah. Ça, t'as pas de doute. Hein? T'as pas le droit d'avoir même de doute en ta foi en Allah. Hein? Mais, est-ce que le fait de dire que t'as la foi en Allah, est-ce que ça implique que ta foi est parfaite? Non. C'est ça la différence avec la première formulation, puis l'autre, qu'est-ce que le Cheikh il dit ici. Quand tu dis je suis un vrai croyant, quand tu dis je suis un vrai croyant, ça implique indirectement que tu es en train de dire que ta foi elle est parfaite et complète. Tandis que lorsque tu dis je suis un vrai croyant en Allah, ça c'est un des éléments obligatoires de la foi. Et tu es en train d'affirmer que tu as cette foi qui est obligatoire. Hein? Et ça ne veut pas dire non plus que ta foi en Allah elle est ta foi en l'islam elle est complète et parfaite. Tu peux avoir des actes de la foi qui sont pas complètes. Peut-être qu'il y a certaines actions que tu fais pas parmi les actes surérogatoires, les actes qui sont recommandés, ta foi, donc, elle n'est pas complète et parfaite. Hein? Donc, le cheikh, il explique, il dit, donc, tu ne vas pas dire, je suis croyant, puis tu te tais. Mais si je te demande, ou si quelqu'un te demande, est-ce que tu es croyant, tu dis, Inch'Allah, je suis croyant, Inch'Allah. Ou bien tu vas dire, je suis croyant en Allah. Je crois en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers. Mais tu dis pas, je suis croyant, puis tu te tais. Hein? Parce qu'il faut, dans ce cas-là, dire, Inch'Allah. Selon Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut mentionner, Inch'Allah, quand tu mentionnes que tu es croyant. Parce que tu peux pas prétendre que, si tu es un croyant sincère, tu peux pas prétendre que tu as complété ta foi. Tu as complété tous les actes du cœur, tous les actes du corps. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la foi, elle est composée de 70 et quelques branches. Et le musulman, il ne peut pas affirmer de façon certaine qu'il est sincère. S'il est sincère, il ne peut pas affirmer qu'il les a toutes appliquées comme il faut à 100%. C'est pas possible. 70 et quelques branches. 70 et quelques branches. 70 bid'un wa 70 shu'ba. Naam. Donc ensuite, donc on a bien compris ce point maintenant. Inch'Allah. D'accord. Donc maintenant, on va passer à un autre point qui a rapport avec justement le sujet dont on parle maintenant, puisque on parle des Murji'a, eh bien on continue. Le cheikh, il dit le point numéro 24 dans la aqida des deux Razi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit wal Murji'a mubtadi'atun dullal. Hein? Wal Murji'atu al mubtadi'atu dullal. Donc ça veut dire que les Murji'a innovateurs sont des égarés. Sont des égarés. Donc une des sectes, parmi les sectes d'égarement, on en a parlé des Murji'a déjà. Hein? Et le cheikh, il dit al Murji'a. Cheikh Rabi', il dit al Murji'atu qisman. Ok, ils sont deux catégories. On a expliqué déjà qu'il y avait plus de catégories que ça, mais si on les résume, on peut dire qu'ils sont de deux catégories. Le cheikh, il dit, yani, awwalan, murji'atun ghulat, murji'atul jahmiya, wa ha'ula yaqulun al-iman al-ma'rifatu faqat. وعلى تعريفهم للإيمان يدخل اليهود والنصارى وفرعون وإبليس كلهم لأنهم يعرفون الله والمشركون يعرفون الله والهندوس يعرفون الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كلهم يعرفون الله عز وجل فهذا ضلال مبين. Donc le cheikh, il dit la première catégorie des murji'a, c'est les extrémistes. Parmi les murji'a qu'on appelle al-jahmiya, murji'atul jahmiya. Et eux, ils disent que la foi, c'est seulement de connaître Allah seulement. Du moment que tu connais Allah avec ton cœur, ça y est, t'es croyant. Et c'est pour ça que pour eux, quand ils définissent, selon leur définition de la foi, eh bien, les chrétiens sont des croyants. Les juifs sont des croyants. Pharaon, c'est un croyant. Iblis, même le diable, c'est un croyant pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et même les mushrikoun, pour eux, c'est des croyants parce qu'ils connaissent Allah, Azza wa Jal. Et les hindous, al-hindous, al-hindouk, ils les appellent aussi des croyants parce qu'ils disent qu'ils connaissent Allah. Et on voit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne justement que le fait de connaître Allah, c'est pas suffisant pour être croyant. Puisqu'il dit à propos des mushrikins, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Tu demandes aux mushrikins qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc est-ce que le fait de savoir que Allah a créé les cieux et la terre, c'est suffisant pour être un mu'min, pour être un muwahhid? Non, c'est pas suffisant. Puisque même les mushrikins de Quraysh qui adoraient les idoles, ils disaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et c'était pas suffisant pour être des musulmans. Hein? Parce qu'ils adoraient d'autres que Allah. Donc ça, c'est pas suffisant juste de dire oui, Allah il est unique et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ça fait pas de toi un croyant, ça fait pas de toi un musulman non plus. Tant que tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les choses qui sont adorées en dehors de lui. Donc il mentionnait le verset 25 dans Sourate Luqman et le verset 31 dans Sourate Yunus. Il dit: qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire? Ils diront Allah. C'est-à-dire qu'ils disent tous, hein, que c'est Allah qui contrôle tout et qui fait vivre, qui fait mourir et qui gère tout dans l'univers. Ils savent ça. Ils disent que c'est Allah. Ils le connaissent. Ils connaissent Allah. Hein? Donc, selon les Jahmiyyah, ce sont des croyants. Les Mushrikins, ce sont des croyants. Et donc, le Cheikh dit ça, c'est la preuve que c'est de l'égarement évident. Ça, c'est la preuve que c'est de l'égarement évident. L'autre, c'est le verset 31 dans Surat Yunus. Le verset au complet, c'est قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم. Donc ensuite la deuxième catégorie des murji'a, c'est ce qu'on appelle murji'a tul fuqaha. Les fuqaha murji'a. Murji'atul fuqaha, c'est les fuqaha murji'a, hein? Ceux qui font partie des fuqaha, les ahnaf, hein? Al-ahnaf. Donc le cheikh dit yaquluna al-iman wa at-tasdiq wal qawl tasdiq bil qalb wa qawl bil lisan wal 'amal laysa min al-iman as-salat az-zakat as-sawm wal-hajj wal-birr والتقوى إلى آخره كل هذه الأشياء ليست من الإيمان وهذه مخالفة مخالفة وقحة وقحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأعمال كلها من الإيمان والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أكثر هذه الخصال البضع وسبعون شعبة عند هؤلاء ليست من الإيمان الإيمان هو التصديق والقول باللسان فقط مع الأسف الشديد ولهذا سماهم ضلال لا شك سواء الغلاة سواء الغلاة منهم أو من يسمونهم بمرجئة الفقهاء كلهم على ضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh explique que مرجئة الفقهاء, c'est ceux qui disent que la foi c'est la croyance avec le cœur et la parole avec la langue. Tu crois avec ton cœur et tu dis la parole avec la langue, mais les actions ne font pas partie de la foi selon eux. Donc la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, la bonté, la piété, tout ça, ça fait pas partie de la foi pour eux. Hein? Ça rentre pas dans la foi. Et donc ça, c'est une contradiction claire, hein, du Coran et de la Sunna. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, on voit que les œuvres et les actions font partie de la foi. Elles rentrent toutes dans la foi. Et que la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, elle est composée de 70 et quelques branches. La plus haute, c'est la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Et la plupart de ces caractéristiques, parmi ces 70 et quelques, yani pour ceux-là, c'est-à-dire pour les murji'atul fuqaha, elles n'entrent pas dans la foi. Elles ne font pas partie de la foi. Hein? Parce que pour eux, la foi, c'est seulement croire avec le cœur et dire la parole avec la langue seulement. Ma al-asaf al-shadid. Donc ça, c'est l'égarement. Yani. Et parmi les murji'a, il y a aussi les, le cheikh n'a pas énuméré toutes les catégories comme il l'avait fait plus tôt quand il a parlé de la foi, mais bien entendu parmi les différentes catégories de murji'a, il y a les asha'ira. L'asha'ira, et eux, l'asha'ira, ils ne rentrent pas les actions non plus dans la foi. Pour eux, al-iman huwa at-tasdiq, la foi c'est juste de croire avec le cœur seulement. De croire avec le cœur seulement, et la parole et les actions, ça ne fait pas partie de la foi pour les Asha'ira. Parce que les Asha'ira sont des Murji'a. Subhanallah. Et pourtant, les Hizbiyyin, aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis des. Toutes les Takfiri, là, les Sururi, ces gens-là, ils excusent les. Ils excusent les murji'a, les asha'ira. Ils sont, comme par exemple Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, et tous ceux qui suivent la tendance des ikhwan, la plupart de ces shuyukh-là qui parfois ils ont étudié la aqida ash'ariya, ce sont des murji'a dans l'iman, ce sont des murji'a 100%. Et pourtant, yani, qui est-ce qu'ils accusent de murji'a? Ils accusent yani, les salafis, les ulama salafis d'être des murji'a. Ils accusent Cheikh Al-Albani, ils accusent Cheikh Ibn Baz, ils accusent Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, ils accusent Cheikh Rabi', ils accusent plein d'autres parmi les mashaykhs, ils les accusent d'être des murji'a, Allah Musta'an. Donc ça, c'est pour montrer comment ces gens-là sont dans la contradiction. Comment ça se fait? Yani, subhanallah, les vrais murji'a, vous les accusez pas de dirja, puis les gens qui défendent la aqida des salaf et qui réfutent les murji'a et les khawarij, eh bien, eux, vous les considérez comme des murji'a. Donc c'est ça les contradictions que tu retrouves chez les Mubtadi'a. Et en plus, qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'en plus d'être, comme ils ont la aqida en principe, ils se revendiquent de la aqida ash'ariya parfois, donc ça veut dire qu'ils défendent la aqida des murji'a, mais en pratique ils font le takfir des dirigeants, le takfir des musulmans. Donc dans la réalité, ils sont sur le manhaj des khawarij. Donc deux voies opposées, mais ils ont les deux croyances en même temps, les deux croyances d'égarement de ces deux sectes en même temps. Ça, c'est quelque chose d'étonnant, yani, subhanallah. Allah al-musta'an. Après, le cheikh il dit, walihada, donc il dit c'est pour ça que on les a appelés des égarés. Yani peu importe que ce soit les extrémistes parmi les murji'a comme les jahmiya, ou bien les murji'atul fuqaha, sont tous dans l'égarement, wal a'udhu billah. Et donc le cheikh il dit wal iman 'indahum la yazid wa la yanqus fayukhalifun ayat kathira sariha tadullu 'ala ziyadatil iman mithlu qawlihi ta'ala fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمان إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقوله تعالى والذين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وغير ذلك من الآيات الكريمة الآيات الكريمات الدالة على زيادة الإيمان. حديث الشفاعة فيها دلالة صريحة على نقصان الإيمان وهي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومنه يعني حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة ومنه ثم يقول أي الله انظروا يعني الله سبحانه وتعالى يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا الحديث. Donc on va lire ces points là. Le cheikh il explique que parmi les bon, c'est-à-dire les gens des Murji'a, la secte des Murji'a, ils disent que pour eux la foi elle augmente pas et elle diminue pas. Donc en disant ça, ils contredisent de nombreux versets dans le Coran qui sont explicites et qui clarifient que la foi elle augmente. Par exemple, le verset 124 dans sourate At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce qui concerne ceux qui ont cru, elle a augmenté leur foi. Les versets qui sont révélés, elle augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Le verset 76 dans sourate Maryam, Allah 124 sourate At-Tawbah, verset 76 dans sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah augmente ceux qui et Allah subhanahu wa ta'ala augmente en guidance ceux qui ont été guidés, ceux qui ont été guidés ou ceux qui ont cherché la guidance, Allah les augmente en guidance. 67, pas 167, 67. L'autre verset, c'est le verset 13, verset 13 dans sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des jeunes, de ces jeunes qui étaient dans la caverne, ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur, alors nous les avons augmentés en guidance. Ainsi que le verset 4 dans sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit et c'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans le cœur des croyants pour qu'ils augmentent liyazdadu imanan ma'a imanihim, c'est-à-dire pour qu'ils augmentent de la foi à leur foi, pour qu'ils augmentent de la foi à leur foi. Et il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens-là. Et aussi, il n'y a pas de doute que la connaissance, le fait de la connaissance qu'on a d'Allah, elle augmente. La connaissance qu'on a de la religion aussi, elle augmente. Donc si la connaissance, elle augmente, à propos d'Allah et à propos de sa religion, eh bien c'est normal que la foi augmente aussi. Plus que la connaissance de quelqu'un augmente à propos d'Allah, plus qu'il va avoir une foi qui est plus grande. Et c'est pour ça que subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est uniquement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, sourate Fatir. Bon, il faudra que tu le lises, je me rappelle plus du verset. Le cheikh il dit ومثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة. Le hadith de l'intercession aussi, ça c'est une preuve que là on a vu des versets qui prouvent que la foi augmente, il y a aussi des hadiths qui prouvent que la foi diminue, comme qu'est-ce qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, le hadith de l'intercession dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit regardez, si vous trouvez en enfer toute personne que vous trouvez en enfer qui a dans son cœur le poids d'une graine de moutarde de foi, alors faites-le sortir de l'enfer et ils vont les faire sortir alors qu'ils sont comme ils ont été grillés complètement. Ils sortent de l'enfer, ils sont comme devenus comme du charbon. Allah les fait sortir de l'enfer, ils sont devenus complètement grillés, comme de la viande là, quand il est grillé, C'est comme ça, merde. Subhanallah, a'udhu billah. Donc le cheikh il dit, wa mithlu hadith Anas radiyallahu anhu, wa talaba an-nas ash-shafa'a min Adam, thumma min Nuh, thumma min Ibrahim, thumma min Musa, thumma min Isa. فكل واحد يعتذر فيقول لست لها يعني الصلوات يعني صلوات الله وسلامه عليهم قال ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي الحديث ومن بلاء هؤلاء المرجع أنهم لا يرون الصلاة ولا الزكاة ولا الحج من الإيمان وهذا من ثمار البدع ونتائجها. Donc le cheikh il dit également parmi les exemples de ce qu'on a mentionné par rapport à l'intercession, c'est qu'au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans le hadith de Anas, les gens vont venir demander l'intercession à Adam, à Noé, à Ibrahim, à Moussa. Et ils vont tous s'excuser. Et ils vont dire, non, je ne peux pas. Hein? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va dire, yani, c'est pour moi, celle-là c'est pour moi. Et il va demander la permission à son Seigneur, et son Seigneur va lui donner la permission d'intercéder. Donc, ça c'est dans le hadith. Et puis le cheikh dit, qu'est-ce qui est malheureux par rapport à ces murji'a? C'est qu'eux, ils ne considèrent pas que la salat, la zakat, le hajj fait partie de la foi. Et ça, c'est clair que ça fait partie des résultats de la bid'a et de l'égarement. Allah musta'an. Donc là, on a clarifié ce point. Maintenant, la prochaine secte, au prochain cours, Inch'Allah, on va expliquer la secte des Qadariyah. La secte des Qadariyah qui a dévié à propos de Al-Qadar. On va s'arrêter ici, tu vois. Le prochain cours, c'est qu'est-ce qui est, c'est comme on dit, une coïncidence, yani, subhanallah. Le point 25, et puis c'est le cours 25. Hein, subhanallah. C'est incroyable. Naam. Donc, on va s'arrêter ici, puis on continuera. Bon, j'ai essayé de finir le livre. Yani, on va essayer de faire peut-être un cours après l'Asr peut-être, puis demain aussi après l'Asr, puis en fin de semaine, pour qu'on puisse terminer le livre, on soit capable de terminer le livre Inch'Allah avant le début de la semaine prochaine, puis on commencera donc un nouveau livre après Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.